Chapitre 27e, les châtiments. 3 mois après la mort tragique du baron et de la duchesse, le mariage aristocratique se célébrait à l'église Sainte-Clotilde. Mais chose étrange, les jeunes mariés étaient vêtus de deuil, et dans leurs regards, qui se tournaient fréquemment avec une tendresse infinie vers leurs époux, se lisait une profonde douleur. Peu d'invitations avaient été faites, et les personnes présentes à ces doubles cérémonies nuptiales étaient les témoins obligés, les grands-parents et quelques amis, au nombre desquels se trouvait maître Maxou. Parmi les assistants était une robuste paysanne au teint hâlé, à la figure énergique. C'était Brigitte, rendue à la liberté à la suite d'une ordonnance de non-lieu, motivée par les déclarations du juge de paix du docteur Cavarox. Ajoutant en même temps que le secret judiciaire du crime commis au château des Abîmes avait été si bien gardé que nul, si ce n'est Amaury de Kerlusset, Maurice de Lavernay et la vieille servante, ne soupçonna que la mort du baron se rattachait à cette ténébreuse affaire. Cette mort, ainsi que celle de la duchesse, avait été attribuée à un accident. À côté de Brigitte se tenaient un vieillard et un jeune chasseur d'Afrique. Le vieillard était le digne notaire La Carrière et le jeune soldat, Octave de Vallombreuse, qui avait demandé un congé afin d'assister au mariage de Marcel avec le vicomte de Kerlusset et à celui d'Ève avec Maurice de Lavernay, qui avait donné sa démission de magistrat. La duchesse de Vallombreuse, dans son testament, fait la veille de sa mort, avait fixé le 15 octobre 1874 comme date formelle des mariages de ses filles, et celles-ci, pour obéir aux volontés dernières de leur mère, qu'elle vénérait à l'égal d'une sainte, avaient dû consentir à se marier avant l'expiration des délais commandés par l'usage. La cérémonie religieuse achevée, les assistants auraient pu, en se dirigeant vers la sacristie, remarquer, près de la porte de l'église, une jeune femme vêtue de noir et dont le visage était couvert d'un triple voile. Cette jeune femme priait avec ferveur. Mais malgré tout le soin qu'elle apportait à demeurer cachée, elle avait été reconnue par celui qu'elle voulait éviter et par un autre. « Flavia, » dit à voix basse le vicomte Kerlusset à Maurice de Lavernay. « Que vient-elle faire ici ?» répondit Maurice également à voix basse. Flavia, se voyant découverte, se leva et disparut. Le même jour, au moment où les jeunes mariés quittaient Paris pour se rendre en Italie, maître Maxou recevait une lettre dont l'écriture lui était bien connue. Il brisa fiévreusement le cachet de cette lettre. Voici ce qu'elle contenait. « Mon unique ami, j'ai fermé l'oreille à votre voix. J'ai repoussé les conseils que vous m'aviez donnés au chalet de Saint-André à l'heure de nos premiers adieux. Aujourd'hui, j'en subis le châtiment. » Et plus tard, cependant, je m'étais arrêté à mi-chemin de ma vengeance, afin d'empêcher mon père adoptif de se battre avec le jeune duc de Vallombreuse. Vous savez comment j'en ai été récompensé. Sir John Colfax, auquel j'avais fait le sacrifice de mes ressentiments, s'est tué pour ne pas devoir la vie à ce qu'il regardait comme une lâcheté. Dans mon désespoir, j'aurais pu dénoncer les crimes de Madame de Vallombreuse et de Monsieur de Lavernay, et briser ainsi le bonheur de 4 têtes innocentes. Mais en présence des tombes à peine fermées du baron et de la duchesse, j'ai gardé le silence. Le silence. Ah, qu'il m'a coûté. J'ai eu le courage d'assister au mariage du vicomte de Kerlusset avec Marcel. C'est tout vous dire. Maintenant, et en regardant au fond de mon cœur, je n'y trouve plus que des ruines. Le souvenir de ceux qui sont morts, tués par moi, le remplit tout entier. Ce pauvre cœur, il est bien malade, mon ami. Et c'est dans la prière et la pénitence que je vais tâcher de le guérir, si toutefois sa guérison est possible. À un moment, j'avais pensé que vous pourriez être son médecin, mais presque aussitôt j'ai renoncé à cet espoir. On n'aime pas deux fois. Et vous-même, en supposant que votre amour soit aujourd'hui encore ce qu'il était autrefois, l'ombre de mon passé se dresserait, tôt ou tard, entre vous et moi, et je deviendrais pour vous un objet d'horreur. Ah, cette vengeance que j'ai longtemps poursuivie, s'il a été fatal à ceux que j'avais le droit de haïr, elle l'a été également à ceux qui m'aimaient, ainsi qu'à moi-même. Moi, je n'ai pas le droit de me plaindre, mais les autres, mais vous. Au moment où cette lettre vous parviendra, je serai morte au monde, et je ne vivrai plus que pour implorer la miséricorde de Dieu dans le cloître où je vais entrer. Flavia Mora. Maître Maxou, après avoir lu cette lettre, tomba dans une méditation douloureuse, puis il alluma un flambeau, approcha la lettre de la flamme, et il murmura lentement en la voyant se consumer. flamme de mon cœur, éteins-toi à ton tour et deviens cendre comme elle. » Ensuite, il se leva, se rendit à l'hôtel de l'avenue du Bois de Boulogne et fit passer sa carte à Flavia. Flavia parut bientôt. « Ainsi, lui dit Maxou, vous voulez-vous, jeune, riche et belle, entrer dans un cloître? Mais avez-vous bien réfléchi avant de prendre une telle résolution? Je suis si lasse, si découragée, répondit-elle d'une voix pleine de tristesse. Je me trouve si seule, depuis que mon père adoptif n'est plus, que je ne vois rien devant moi, si ce n'est Dieu. Dieu ne veut pas le suicide, et ce que vous voulez faire est un suicide. C'est une souveraine justice qui m'a frappée, d'abord dans mon amour, et plus tard dans l'affection que je portais à John Colfax. S'il était encore là, reprit le jeune avocat, il vous dirait, mieux que je ne saurais le faire, que l'immense fortune qu'il vous a léguée doit devenir entre vos mains l'instrument réparateur de vos fautes passées. Appelez les choses par leur nom. Dites mes crimes. Pendant 2 années, continua Maxou, sans relever ces 2 derniers mots, vous avez employé toutes les forces de votre intelligence pour accomplir une vengeance qui pouvait, jusqu'à un certain point, être légitime dans le principe, mais qui est devenue injuste lorsque vous avez voulu frapper des innocents. Rachetez ce passé marqué, comme vous me l'avez écrit, par 3 tombes. Consacrez votre esprit, votre volonté et votre fortune à empêcher le mal et à soulager les misères. Cet horizon que vous m'ouvrez, répondit Flavia, après quelques instants de méditation, est certes magnifique, éblouissant. Et il y a de quoi tenter de nobles ambitions. Peut-être suivrai-je votre conseil un jour. En ce moment, j'ai besoin de me replier sur moi-même et de vivre seul avec ma conscience. Venez dans 1 an me trouver dans le cloître où je vais entrer. Peut-être alors écouterai-je votre voix. Et cependant, sans guide, livré à mes seules forces, comment pourrais-je jamais mener à bonne fin une aussi grande œuvre ? Eh bien, dit le jeune avocat, « ce guide, si vous le voulez, ce sera moi. » Flavia lui serra la main. « Dans 1 an, reprit-elle, venez, et je vous dirai ce que j'aurai résolu. »« Dans 1 an, répondit maître Maxou en se retirant, et j'irai chercher votre réponse. » Déjà il avait fait quelques pas pour sortir, lorsque mademoiselle Morin l'arrêta par un geste affectueux. « Est-ce donc ainsi que nous devons nous séparer ?» lui dit-elle d'une voix qui exprimait tout à la fois un regret et une prière. « En 1 année, tant de choses peuvent se passer. Mon désespoir, les déchirements de ma conscience. Peut-être cette entrevue est-elle la dernière, je puis mourir ?»« Non, non, » reprit vivement le jeune avocat. « Non, vous vivrez. Il faut que vous viviez pour entrer dans la voie réparatrice que je vous indique. »« Mon ami, » poursuivit Flavia avec un accent de tendresse intraduisible, « vous souvient-il du jour où vous êtes venu, après ma condamnation, me trouver dans ma prison ? Ce jour-là, avant de nous dire un adieu suprême, j'ai mis mes lèvres sur votre front. Ce baiser, qui était tout fraternel, vous ne me l'avez pas rendu. Vous êtes resté mon débiteur. Le serez-vous toujours ?» Maxou, ému jusqu'aux larmes, prit à 2 mains, comme l'avait fait autrefois la pauvre condamnée, la tête adorée de Flavia, et l'attirant, ainsi qu'elle dans son cachot, par un mouvement rapide contre ses lèvres, il la baisa à plusieurs reprises, puis, s'arrachant à cette étreinte passionnée et douloureuse, « Au revoir, Flavia, » lui dit-il. « Au revoir, » répondit-elle avec un sourire rempli de tristesse. « Au revoir, mon ami, si toutefois Dieu le permet. » Notre récit serait incomplet si nous laissions dans l'ombre 3 personnages qui y ont joué un rôle actif. Flavia, après la mort de la duchesse de Valombreuse et du baron de Lavernay, avait, conformément à sa promesse d'autrefois, fait remettre à sa Lavère 300 000 francs pour acheter une étude et une somme égale à Martineau pour fonder un journal. Quant au docteur Cavarox, elle avait estimé suffisamment payé de ses services ténébreux par la riche clientèle qu'elle lui avait procurée. Sa Lavère, de retour chez lui avec ses 300 000 francs, s'était assis devant une table, dévorant des yeux son trésor, le comptant et le recomptant, tout en fumant un Londres qu'il quittait fréquemment pour humer quelques gorgées d'un bol de punch. Au bout d'une demi-heure de cette contemplation magnétique, Salavert, le cerveau déjà alourdi par ses nombreuses libations, ralluma le punch refroidi et emplit de nouveau son verre. Mais sa main mal assurée laissa tomber une partie du liquide enflammé sur les billets de banque amoncelés sur la table et ils prirent feu aussitôt. Il se précipita tout effaré sur les billets, mais sans parvenir à en sauver un seul du désastre. Le lendemain, Salaberry était fou. Martineau, devenu rédacteur en chef et propriétaire d'un grand journal, grisé par sa position nouvelle, rompit tout d'abord avec Célestine Marbeau, puis l'acheta des chevaux, se paya un coupé et une calèche, déjeuna, dîna et soupa quotidiennement chez Tortoni, passa une partie de ses nuits à son cercle entre des jeux de cartes et du champagne frappé, et en moins d'une année de cette existence forcenée, l'estomac ruiné et le gousset vide, il fut déclaré en faillite. Le docteur Cavarox, affriandé par les 30 000 francs que lui rapportèrent en une seule année ses ordonnances dans la colonie américaine, voulut doubler, tripler son avoir au moyen de coups de bourse. Par suite de spéculations malencontreuses, il se trouva une fin de mois débiteur d'une différence de 80 000 francs, et ne pouvant la solder, il mit prudemment la Belgique entre lui et ses créanciers. Il est confiné aujourd'hui dans une mansarde de la rue des Herbes Potagères à Bruxelles, où il fait des visites à 2 francs lorsqu'il en trouve. Ainsi furent successivement brisés les indignes instruments que Flavien Morin avait fait servir à l'accomplissement de sa vengeance. Quant au jeune duc Octave de Vallombreuse, complètement régénéré par la rude vie de soldat, il est à la veille de passer maréchal des logis, et sa bravoure et son grand nom aidant, peut-être deviendra-t-il un jour maréchal de France. À suivre, la 5e partie, la novice.